Baleine. Océan. Migration. Champ. Chasse. Pollution. Changement climatique. Conservation. Caractéristiques. Espèce. Adaptation. Comportement. Menace. Effort. Biodiversité. Rôle crucial. Monde fascinant. Mammifère marin. Géante. Parcours. Biologie unique. Comportements étonnants. Recherche. Technique. Vie sociale. Communication. Illégal. Entanglement. Protection. Identifier. Expliquer. Impact potentiel. Réfléchir.